9-3-5-0. Yeah. Ta gueule est pêche, j'ai monté les tarifs. Mon produit c'est de la bonne bonne, c'est celui d'Al Rive. Ouais j'arrive, fous la merde, et je suis pas responsable. Et pas partisan des fils de pute qui tirent responsable. Nous séparer au parc, les grossistes au bar. Négro si je t'en parle, négocie ton part. Toujours la même à l'ancienne, moi le rap je l'aime. J'ai ni la caisse, ni la tasse, ni le chèque, ça sème. Et je veux bien le croire, cette vie elle est à toi. La chance et la poisse, c'est aléatoire. Rares sont les amis fiables, j'en ai le sentiment. J'ai tellement de vices, aujourd'hui je sais qu'il ment. Alors la ferme, je pisse sur le système. Mon éducation je l'ai faite en écoutant du LTM. Eh ouais ma main, j'ai une grande gueule et je la ramène. Mais au fond y'a du bon, non y'a pas que de la haine. On veut tous sortir entier des sables mouvants. Découvrir la vérité, même sans cesse. L'état nous ment, on a la dalle, chef. Remplis l'assiette qu'on mange bien, toujours en panne sèche. Démarre à sec, fais tourner l'engin. Le monde avance, tourne. Bienvenue dans la matrice. Le monde est borne sourd. Recouvert cicatrice. Saute la tête, la première. Dans l'industrie du rêve. Bouchons mon, c'est le bordel. Comme quand à Paris, y'a la grève. L'arme t'es longue, les dents aussi. Le temps passe et presse. Besoin l'espèce à chaque seconde. On vit au jour le jour. Épuise en nos réserves. On se retourne penchement. On verra bien ce que le destin nous. On affronte le monde, ses enfers et ses paradis. Sur enchère sûrement pour une meilleure vie. Mais tous payent en dollars ou en euros. Nous laissent tous notre peau, notre chemise. Et repart sans rien, comme au casino. Si la vie d'une part tous, puis rien ne me fait bander. J'ai des problèmes d'érection, c'est la merde dans ma matrice. Fais mal les petits disent connard à la directrice. L'homme est trop bon, la preuve, on a planté le Christ. Le crime boude ma plume comme Agatha Christie. Toujours du poison dans ma poésie, on est plus manche que Brad Pitt. Plein de braves types dans des batteries. Le moral à plat, une pipe pour recharger ma batterie. La vie est un ring, alors je mets des tarnions. Le rap me console, je trouve le sourire dans une brunette espagnole. Mes potes te trouvent dans le shit ou quand ils picolent. 93 150, c'est cartridge. Je veux plus voir nos vies ainsi, parce que ça m'attriste. Je me suis crevé les yeux pour être aveugle comme la justice. Besoin de bif, je fais des prières. Jésus a l'air occupé, alors je fais du bif. Écartez-vous, je vais éjaculer ma colère. Vandale verbal, je cause des commotions cérébrales. Défonce comme la cocaïne végétale, complètement illégale, vendue sous le manteau. Écouté par les blédards et les clandos. Endurci, parce qu'en sursis, je suis du côté des insurgés. Quand le fascisme ressurgit, prends du sucre, du citron, mets du rhum dans le verre. Et récite mes textes à l'envers. La guerre est déclarée, de plus en plus de flics au mètre carré. Des mecs accusés en cellule alors qu'ils sont même pas jugés. Des cartes de séjour annulé, de façon je m'en bats les steaks. Je reste à mes techs et fier de l'être. Blanc coq, les M6 viennent tester et repartent en cloque. Pour tous les chiens et toutes les chiennes de tous les blocs. T'inquiète, on foque tous les colbocs.